M'a fait connaissance d'y en jeune demoiselle. Au début m'a compris que baguette m'était belle. Baguette m'était belle tellement y bon ou c'est manger considéré qu'on aliment. Y fesse comme pas de côté t'y font ma compliment. L'ay qu'a souri bon le goût de rocosio manger piment. T'es jamais. Il dit mais pas ni sentiment. Il dit mais sexe. Mais sans sentiment. Sans sentiment. Il dit mais sexe. Mais sans sentiment. Sans sentiment. T'es jamais. Il dit mais pas ni sentiment. Essayez freiner. Il dit mais ne fais pas le con. Il dit mais sexe. Mais pour des pas mon comprendre que nous ensemble. Il est fin pour c'est la rite messager. Y'appelle les téléments contentés comme un way. Y'a seule fois pas s'y mettre. Tombé l'offre d'y en top model. Mon comprendre baguette mais t'es belle. Tellement y bon ou c'est manger considéré qu'on aliment. Y fesse comme pas de côté t'y font ma compliment. L'ay qu'a souri bon le goût de rocosio manger piment. T'es jamais. Il dit mais pas ni sentiment. Il dit mais sexe. Mais sans sentiment. Sans sentiment. Il dit mais sexe. Mais sans sentiment. Sans sentiment. T'es jamais. Il dit mais pas ni sentiment. Essayez freiner. Il dit mais ne fais pas le con. Il dit mais sexe. Même en bégué dormi en boyo soya. Il dit même en idée deux autres chrono pour quitter plancher. Y'a il qu'a fait même mal. Mais faut pas m'en péter en high walk. Il a fait sa money pour faire rapidement. Y'enchaîner coup de grain intelligemment. Il bon ou c'est manger considéré qu'on aliment. Il fait ce qu'on pas de côté. T'y font ma compliment. Les y qu'a souri bon le goût de rocosio manger piment. T'es jamais. Il dit mais pas ni sentiment. Il dit mais sexe. Mais sans sentiment. Sans sentiment. Il dit mais sexe. Mais sans sentiment. Sans sentiment. T'es jamais. Il dit mais pas ni sentiment. Essayez freiner. Il dit mais ne fais pas le con. M'en fait connaissance dit en jeune demoiselle. Au début m'en comprendre que baguette m'était belle. Baguette m'était belle. M'en fait connaissance dit en jeune demoiselle. Au début m'en comprendre que baguette m'était belle, baguette m'était belle. Je veux du sexe. Mais sans sentiment, sans sentiment. Je veux du sexe. Mais sans sentiment, sans sentiment. Je veux du sexe. Mais sans sentiment, sans sentiment. Je veux du sexe. Mais sans sentiment, sans sentiment. Mais sans sentiment. Mais sans sentiment.